إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous nous sommes arrêtés en plein milieu du 14e hadith qui avait pour sujet Ahabbul A'mal ila Allah Azza wa Jal, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous avons parlé de la salat qui était la première œuvre citée par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'accomplir la prière en son heure, en début de son heure. Puis Cheikh Rabi Hafidahullah nous dit dans son commentaire, وَثَانِيهَا, et la deuxième, c'est-à-dire la deuxième œuvre, بِرُّ الْوَالِدَيْنِ, la bienfaisance, la bonté, le respect, l'obéissance des parents. فَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَظِيمِ, donc le droit des parents est énorme et grandiose. En islam, les parents ont une place qui est énorme, élevé, tellement élevé qu'Allah tabaraka wa ta'ala la cite juste après l'ordre de l'adorer lui seul sans rien lui associer. Donc après, juste après le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le digne de recevoir toute adoration, qui est le seul à être en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, et ceci est le plus grand des droits et la plus grande justice. Juste après, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne le respect et la bienfaisance envers les parents. Envers les parents, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, les parents sont les causes de ton existence. Par leur biais, Allah tabaraka wa ta'ala t'a mis au monde. Donc ils ont ce droit-là, quel qu'il soit. Donc les phrases « oui, mes parents, ils sont, ils ne sont pas » n'ont pas lieu d'être dans cette question-là. Quels qu'ils soient, ils ont droit au respect. Et leur droit, il reste. Même s'ils ont une autre religion que toi. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça reste tes parents. Tu es l'enfant de tel homme et de telle femme. Donc ça reste tes parents et c'est... cette relation, elle ne s'enlève jamais. فَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَظِيمٌ قَرَنَهُ اللَّهُ بِتَوْحِيدِهِ فِي غَيْرِ مَا آيَة. Dans plus d'un verset, dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal lit le droit des parents avec son propre droit à lui. Subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous prouve l'importance des droits des parents. قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le sens du verset, et adorez Allah et ne lui associez rien, personne. Et soyez bons, ayez de la bonté, de la bienfaisance envers les parents. Wa qala ta'ala, qul ta'alu, atlu ma harrama rabbukum alaykum, alla tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana. Dit dans le sens du verset, c'est l'appel qui est fait au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam pour qu'il enseigne la révélation aux gens, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne et demande. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur a interdit. Vous ne devez rien lui associer et vous vous devez d'être bon envers les parents. قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété, a ordonné que vous ne devez adorer que lui seul et d'être bon envers les parents. وغير ذلك من الايات, et bien d'autres versets coraniques. وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على عظمة حق الوالدين. Et dans la sunna pure, on a beaucoup de hadiths qui nous clarifient, nous montrent la place grandiose qu'ont les parents. منها هذا الحديث. Parmi ces hadiths, il y a le hadith dans lequel on est en train de faire l'étude, le 14e hadith. ومنها ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Et il y a ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام qui est rapporté par البخاري ومسلم, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vais-je pas vous informer sur les plus grands des grands péchés? Ils ont dit, les compagnons radiyallahu anhum, si au messager d'Allah ils veulent entendre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur enseigne quels sont ces plus grands parmi les grands péchés, il dit alayhi salatu wa sallam d'associer à Allah le polythéisme et de désobéir, d'être mauvais envers les parents. Le hadith. ومنها لعن الله من لعن والديه رواه مسلم والنسائي. Et dans ce hadith rapporté par Muslim et An-Nasa'i, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Dans un hadith, les compagnons, en entendant cela, ont dit au prophète sallam, mais qui d'entre nous maudirait ses parents? C'est inimaginable à leur époque. L'époque où les gens, ils avaient encore la bonne éducation enfant-parent. Aujourd'hui, Allah al-Musta'an, qu'Allah nous vienne en aide. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est très très grave. C'est même plus des paroles maintenant, c'est des gestes. Ils sont accompagnés de gestes jusqu'à que les parents sont au service des enfants. Les parents sont comme des esclaves. Ils travaillent et ils se fatiguent pour les enfants. Quand je dis les enfants, c'est leur progéniture. Même ils ont 30 ans ou 40 ans. C'est déjà des adultes, mais ils sont encore à la merci de leurs parents. Donc, lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, alors les insultes, n'en parlons même pas. Et les coups de la part des mains ou des pieds, n'en parlons même pas chez certaines familles. Wallahu al-musta'an. Allahu al-musta'an, qu'Allah nous vienne en aide. Après, les gens viennent se plaindre des calamités et du manque de bénédiction dans leur vie. Jamais ils ne trouveront de bénédiction. Ils vivront que dans des malheurs et que dans des problèmes et des catastrophes. Ça, c'est dans ce bas monde. On ne parle pas de l'au-delà. Sauf si Allah les prend dans sa clémence et qu'ils se repentent à Allah Azza wa Jal et qu'ils corrigent leurs erreurs. Mais c'est une gravité énorme. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit wala taqul lahuma ouf, dans le verset, il n'y a que ce ouf que aujourd'hui tout le monde pratiquement dira, mais c'est rien. La phrase qui tue, c'est rien. Ah oui, c'est la phrase qui tue tout le temps. Les gens, ils disent quoi? Mais c'est rien, c'est pas grave. Comment tu le sais que c'est rien? Comment tu le sais que c'est pas grave? Sur quelle balance tu juges? Subhanallah. Qui va décider de dire ça c'est grave ou pas grave? C'est un problème. تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. Vous le voyez à vos yeux minime alors qu'il est énorme auprès d'Allah. C'est ça le problème. Donc Allah tabaraka wa ta'ala interdit de dire ouf. C'est seulement ce ouf qui est quelque chose de minime chez beaucoup de peuples et de gens. Allah nous interdit de le dire. Alors imaginez-vous tout ce qui dépasse le ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Il faut méditer sur cela. Donc, mais qui? C'est pas possible. Qui oserait maudire ses parents? Mais là où ils ne voyaient pas la chose, c'est quoi? C'est que vous allez être la cause pour laquelle des gens vont maudire vos parents. Vous disputez avec une personne, vous maudissez ses parents. En échange, qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Elle va maudire tes parents. Qui a été la cause? C'est toi. Parce que tu n'aurais pas insulté les parents de ton prochain, il n'aurait pas insulté tes parents. Donc tu l'as poussé. Même s'il a sa part de péché, mais c'est toi la cause. Tu l'as incité. Tu l'as poussé à le faire. Donc, tu as insulté les parents de ton adversaire et de ce fait, lui, il en est arrivé à insulter tes parents. Donc, c'est vous qui avez maudit. Ne maudissez pas vos parents. De même, regardez, Allah tabaraka wa ta'ala interdit d'insulter les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Subhanallah. Alors qu'elles n'ont aucun respect. C'est le plus grand crime qui est commis, c'est d'associer Allah Azza wa Jal. Mais si vous insultez leur divinité, leur statut, cela va les amener, ces peuples ou ces gens, à insulter Allah, ne le faites pas. Parce que c'est vous qui allez les pousser à insulter Allah. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا. C'est une contagion après. Ils vont être contaminés. Tu les contamines. Tu as insulté, ah, tu insultes, eh bien, nous, ça va faire. Subhanallah. Donc, de ce fait, tu fermes la porte dès le début. Tu ne sois pas la cause. وَمِنْهَا مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِبِرِّي قَالَ أُمُّكَ قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. Et dans le hadith où cet homme, ce compagnon radiallahu anhu, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne entre les deux, entre mes deux parents, qui a de plus de droits auprès de moi, que je dois plus de compagnie? Il lui a dit, ta maman. Il lui a répété, puis qui? Il lui a dit, ta maman. Il lui a dit, puis qui? Il lui a dit, ta maman. Et à la quatrième fois, il lui a dit, ton père. فيجب على المسلم القيام بهذا الحق العظيم حتى لو كان كافرين. Donc, il est un devoir, une obligation pour le musulman de s'acquitter de ce devoir envers ses parents, même si les deux parents sont mécréants. Alors si les parents sont mécréants, leurs droits ne s'enlèvent pas. Alors que dire s'ils sont musulmans? Subhanallah. Que dire s'ils sont musulmans? Encore plus, leur droit, il est là. فَإِنَّ حَقَّهُمَا لَا يَسْقُطُ عَنِ الْوَلَدِ. Jamais ce droit ne tombe pour l'enfant. Il a toujours, il doit s'acquitter de ce devoir envers ses parents. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Dans le sens du verset, et s'il s'efforce de faire de toi un associateur, ils s'efforcent, ils font tous les efforts qu'ils ont, tous les moyens qu'ils ont pour te rendre associateur, pour faire de toi la pire des personnes. Il n'y a pas pire que d'être associateur. Il n'y a pas pire que de commettre le polythéisme. Donc Allah il nous donne l'exemple de parents qui sont dans la pire des situations. Subhanallah. C'est-à-dire, ramenez quelques situations que vous voulez, elle sera en dessous. Ne leur obéis pas dans ce qu'ils te demandent. Mais, au même moment, accompagne-les convenablement dans cette vie. Sois bon envers eux dans cette vie. Et suis la voie de ceux qui se repentent et qui reviennent à moi. Donc voilà l'enseignement et l'éducation de l'islam. Ce n'est pas l'éducation des sectes égarées. Les fausses éducations qui ne viennent pas du Coran ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation des frères musulmans égarés. L'éducation des khawarij, des sectes tekfiri égarés, qui poussent les jeunes et les enfants à désobéir à leurs parents au nom de l'islam, en leur faisant croire que leur devoir, c'est de prendre leurs parents comme les premiers ennemis, jusqu'à même à pousser des jeunes à assassiner leurs propres parents. Wal'iyadu billah, en pensant qu'ils sont en train de faire un djihad, qu'ils sont en train de combattre dans le sentier d'Allah, et qu'ils auront le paradis en faisant cela. A'udhu billah. Jamais l'islam n'a enseigné cela. Ce n'est que pur égarement. Ce sont des gens qui n'ont même plus leur raison. Des enfants qui ne raisonnent même plus convenablement. Il n'y a plus de dialogue avec certains parmi eux. Tellement qu'ils sont endoctrinés. Et ils se croient sur le droit chemin, alors qu'en réalité ils sont dans le faux chemin. Ils se croient dans le sentier d'Allah alors qu'ils sont dans le sentier de Satan. Ils se croient dans un chemin qui mène vers le paradis alors qu'ils sont dans un chemin qui mène vers le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et bien sûr que ceux qui les ont poussés, encouragés à cela, ils ont leur part dedans. Et eux-mêmes aussi ont leur part de leurs égarements et de leurs déviations. Wal'iyadu billah. Comment quelqu'un de sensé peut-il prendre une arme et assassiner ses propres parents? C'est impressionnant. Au nom de l'islam, a'oudhu billah, quel islam? L'islam, ce n'est qu'une étiquette. Il s'en sert pour endormir les gens. Ça n'a jamais été leur souci, ni la religion musulmane, ni les malheurs ou les catastrophes que vivent des populations musulmanes. Ce n'est qu'un leurre. Ce sont des gens qui sont sanguinaires. Ils ne voient que le sang. Ce qui leur fait plaisir, c'est de passer des nuits à regarder des vidéos où ils voient le sang effuser. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ils ne sont animés que par ces choses-là. Pas par des versets coraniques ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui l'ont dit clairement. Même si vous me ramenez tous les versets coraniques pour me dire de ne pas combattre, eh bien j'irai combattre. C'est-à-dire que la personne, elle a déjà une conviction. Quoi que tu lui ramènes, quoi que tu lui prouves, ce n'est plus la peine de discuter. Subhanallah. Fa'a'udhu billah, qu'Allah nous préserve de tout mal et de ces gens du mal. A'udhu billah. A'udhu billah. Quelle religion peut enseigner cela? Quelle religion peut enseigner à un enfant de désobéir à ses parents, d'être mauvais envers ses parents, de ne pas être bienfaisant envers ses parents? A'udhu billah.